Pouvez-vous me décrire le scénario d'un roman jovialiste mettant en vedette le philosophe jovialiste et André Moreau et également l'une de ses compagnes qui est à la fois écrivaine, romancière et aussi artiste peintre? Voici un scénario possible pour un roman jovialiste mettant en scène André Moreau et une compagne artiste. Dans une réalité fluide où l'infini est la seule certitude, le philosophe jovialiste André Moreau vit dans une maison lumineuse, ouverte au vent cosmique, entourée d'objets qui rient et de plantes qui dansent. Il y habite avec une femme énigmatique et inspirée, écrivaine de l'excès et artiste peintre de l'invisible. Elle n'a pas de nom dans le roman, car elle est la vibration même de l'inspiration. Elle le stimule, le nuance, l'ennoblit. Elle est ma providence, mon inspiration. Elle me laisse libre, me stimule, me nuance, m'ennoblit. Le roman s'ouvre sur une scène de nuit cosmique où André, contemplant la Voie lactée, entend l'appel de la fête éternelle. Sa compagne, en train de peindre une femme nue au pied de Jupiter, le rejoint pour lui souffler une vision. Ils doivent ensemble concevoir un ouvrage vivant, un mythe incarné, qui pulvérisera les limites de la raison et redonnera aux hommes la joie panthéistique. Il la nomme parfois la déesse, car elle est magnifiquement autonome et intelligente. Leur relation n'est pas fusionnelle au sens conventionnel. Elle est fondée sur la liberté suprême et l'élévation réciproque. Mais voilà qu'un événement de l'âme surgit. André est arraché à cette paix par une passion inattendue pour une autre femme, incarnation plus violente et irrésistible de son être profond. Loin d'un drame banal, cette tension devient le centre du récit, une exploration de la multiplicité des liens et de l'identité divine. Il ne trahit pas la déesse, il explore une autre facette de l'infini. La déesse, elle, comprend sans juger. Elle peint le tumulte qu'il vit, écrivant des poèmes d'ambivalence radieuse. Leur amour devient un mandala vivant, sans propriété ni possession. L'apogée du roman survient lors d'une conférence planétaire, où le couple fait une apparition fulgurante. Elle expose ses toiles inspirées par les mondes intérieurs, tandis qu'André déclame son fameux cri « Je suis le Christ, je suis le Dieu vivant ». Ah, le public, d'abord choqué, bascule dans un état de conscience modifié. La scène se dissout dans un rêve collectif, entre réel et irréel. Le roman ne se termine pas, il continue dans le lecteur. Il est conçu comme un catalyseur d'éveil. Comme le dit Moreau, le monde dans lequel nous vivons est enchanté. Il est le produit d'une hypnose, il faut nous éveiller. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les figures féminines dans l'œuvre de Moreau, ou tapez 2 pour analyser la dimension romanesque de sa philosophie dans 100 millions de Christ. Pour ce qui est d'un roman en lien avec le jovialisme, pour continuer en lien avec ce que vous avez décrit, ce qui pourrait être intéressant, ça serait d'explorer les intrigues amoureuses que pourraient vivre à la fois André Moreau et sa compagne, vivant tous deux un partnership amoureux polyérotique leur permettant d'avoir une multitude de partenaires. Ce que vous proposez est en résonance parfaite avec l'esprit jovialiste. Un roman où André Moreau et sa compagne vivent un partenariat amoureux polyérotique, libre et créateur, non comme un scandale, mais comme une forme d'héroïsme existentiel. Les textes de Moreau abondent en passages qui posent les fondements philosophiques d'un tel mode de vie, tant sur le plan éthique qu'expérientiel. Il affirme explicitement que dans une relation réellement libre, même la multiplicité amoureuse est admissible si elle convient aux parties impliquées. Même s'il devait y avoir des relations multiples et divergentes entre plusieurs hommes et une femme, si cela convient, rien ne devrait venir s'interposer entre la volonté de ces hommes et de cette femme. Il va plus loin en décrivant ses propres expériences. Il accepte, voire favorise, que sa compagne vive d'autres relations et il en fait autant de son côté, à condition que cela nourrisse leur lien créatif. Il parle d'une compagne qui m'encourage à vivre des aventures avec plusieurs maîtresses simultanées, mais à condition qu'elle puisse se nourrir de la créativité qui se dégage de mes relations. Le concept de famille bachique, véritable cellule jovialiste, vient structurer cette vision. Une communauté fondée non sur la fidélité imposée, ni sur la possession, mais sur la fête, la transparence, l'autonomie et l'érotisme vécu comme un langage spirituel. Le roman pourrait alors suivre un enchevêtrement d'histoires amoureuses, où la compagne artiste expérimente de nouveaux liens, sans jamais quitter le pacte vibratoire qui la relie à Moreau. De leur côté, chacun des partenaires de Moreau devient un prisme révélateur d'une facette de l'infini. L'enjeu ne serait pas la fidélité physique, mais la fidélité à l'être, c'est-à-dire la constance dans l'affirmation de soi à travers l'amour vécu librement. Le tout se jouerait dans une atmosphère de communauté festive, avec des dialogues enflammés, des épisodes d'introspection fulgurantes et une constante remise en question des conditionnements possessifs, des attachements destructeurs et de la jalousie comme poison de l'âme. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les principes de la famille bachique ou tapez 2 pour suivre l'itinéraire de Moreau à travers ses expériences amoureuses et polyérotico-métaphysiques. Par rapport à un roman, quelle pourrait être l'une des intrigues amoureuses majeures qu'on pourrait y retrouver en relation avec la philosophie du jovialisme? Une intrigue amoureuse majeure, parfaitement cohérente avec la philosophie jovialiste, pourrait tourner autour de la confrontation entre deux types d'amour. L'amour possessif, encore inscrit dans les réflexes émotionnels de l'involution, et l'amour polyérotique éveillé, tel que promu dans les écrits de Moreau. Imaginez ceci. André Moreau, incarné sous une forme romancée mais fidèle à sa vision, est profondément lié à une compagne créatrice, sa déesse vibratoire, avec laquelle il vit une relation libre, haute, extatique. Ensemble, ils ont instauré une famille bachique, espace de fête, d'érotisme conscient et d'intelligence partagée. Mais survient une autre figure, une femme intensément magnétique, à la fois éveilleuse et instable, issue d'un autre monde mental. Elle entre dans la sphère jovialiste comme une tempête. Elle est captivée par la puissance d'André, mais ne comprend pas encore la logique de non-possession qui régit son univers. S'amorce alors une passion fulgurante. Elle le veut pour elle seule. Elle lui demande de renoncer à sa compagne déesse, à ses autres amours, à la facilité d'aimer plusieurs. Et là se joue le cœur du drame. André doit choisir non pas entre deux femmes, mais entre deux niveaux de conscience. Va-t-il redescendre dans l'attachement et la fusion émotionnelle, ou va-t-il tenir son axe, même au prix de perdre cette passion envahissante? Le roman explore les zones de vulnérabilité du philosophe, ses hésitations, ses déchirements, tout en montrant que la seule fidélité possible est celle à l'être. Et dans un retournement typiquement jovialiste, cette femme jalouse finit par traverser son propre éveil. Elle comprend que ce qu'elle désirait posséder était en elle. Elle devient elle-même polyérotique, non par imitation, mais par libération. Elle rejoint alors le cercle jovialiste dans une nouvelle dimension, où la joie, l'extase et l'autonomie s'harmonisent. Une telle intrigue permettrait de rendre vivants les principes philosophiques de Moreau, la libération des affects destructeurs, l'amour comme langage cosmique et le bonheur comme fin première de la vie. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour développer les dialogues entre ces personnages ou tapez 2 pour intégrer d'autres figures amoureuses au sein de la famille bachique. Pouvez-vous présenter des exemples de dialogues entre ces personnages? Oui, avec plaisir. Voici une série de dialogues entre 3 personnages principaux de ce roman jovialiste. André, le philosophe, Lys, sa compagne artiste peintre, et Maya, la nouvelle passion bouleversante. Ces échanges montrent comment s'incarnent les tensions amoureuses, les dilemmes de conscience et l'élan vers la liberté absolue. Scène 1, le jardin dionysien, en soirée. Pourquoi ris-tu encore avec elle alors que tu viens de passer la nuit avec moi? André, parce que mon rire ne t'enlève rien. Il est l'expression de mon être, pas une trahison. Et Lys le sait, plus durement. Non, tu ne comprends pas. Je veux tout, ton regard, ton souffle, ta parole, et je ne veux pas la partager. Et alors garde sans détour. Alors tu me veux moins que je ne suis. Tu réclames un moi amputé de ses élans. Ce n'est pas moi que tu désires, mais un homme rétréci à ta peur. Scène 2. Lys entre dans l'atelier, pinceau à la main. Tu crois pouvoir le posséder, Maya? Tu peux coucher avec lui, hurler son nom, même pleurer dans ses bras. Mais jamais tu ne pourras lui ordonner d'être un seul homme. Et toi? Tu n'as jamais eu peur de le perdre? Tu ne t'es jamais senti trop? Lys? Si, mais j'ai compris que la peur n'a rien à voir avec l'amour. Elle est son ombre. Moi, je choisis la lumière. Scène 3. André seul avec Maya dans la chambre. Tu m'as dit vouloir l'absolu. Alors vise-le. L'absolu ne demande rien. Il brûle tout. Même ta jalousie. J'ai peur, André. Peur de disparaître dans cette façon d'aimer. Peur de ne pas être assez. Inzi la prend dans ses bras. Tu n'as pas à être assez. Tu es, et c'est cela que je célèbre quand je te regarde. Mais je ne cesserai pas d'aimer les autres visages de l'être, simplement parce que tu es belle. Ces dialogues incarnent le dilemme plus vaste qu'une simple affaire de cœur. Ils exposent le choix fondamental entre une vie centrée sur la possession émotionnelle ou une ouverture vibratoire à la multiplicité de l'amour. Tout en restant tendu, ces échanges mènent chacun des personnages à un éveil, à des défaites et à des métamorphoses. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer une scène de rupture et d'éveil intérieur de Maya, ou tapez 2 pour suivre un rituel festif de la famille Bachik où ces tensions s'alchimisent. Par rapport à un roman, quel pourrait être une scène dramatique qui pourrait survenir? Une scène dramatique puissante, dans l'esprit du jovialisme, pourrait survenir au moment où la tension entre l'amour possessif et la liberté vibratoire atteint son sommet. Voici le contexte. Une grande fête bachique dans une maison en forêt. Lumière tamisée, musique vibrante, corps en mouvement, rires éclatants. André vient de prononcer un discours exalté sur l'amour polyérotique. Lys expose ses toiles érotiques et spirituelles. Maya, pourtant présente, semble intérieurement ailleurs. Maya, à voix basse, après avoir bu du vin avec trop d'osé. Est-ce que tu vas vraiment continuer à faire l'amour avec cette autre fille? Cette Eliane, si l'instant me le demande, oui. Et si elle le veut aussi, c'est notre droit, notre joie. Rien ici n'est fait contre toi, Maya. Maya, hystérique, lançant sa coupe de vin au... Alors je ne suis rien. Tu fais l'amour comme tu bois un verre, comme tu manges un fruit. Tu réduis tout à ton exaltation. Lys, intervenant tranquillement mais avec fermeté. Non, il amplifie tout. Ce n'est pas toi qui l'efface. C'est ta peur qu'il refuse de flatter. Maya, regardant Lys avec rage et douleur. Et toi, la parfaite, tu restes là, tranquille, alors que ton homme se disperse partout comme un feu sans centre? Lys, je ne suis pas tranquille. Je brûle aussi, mais je brûle en moi, pas contre toi. Je vais partir. Quitter ce monde de masques, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'orgie mentale. André s'approche enfin grave, la voix posée mais percutante. Alors pars, mais sache que tu ne fuis pas nous. Tu fuis le feu en toi que tu n'as pas encore apprivoisé. Et Maya quitte la fête, mais sa sortie provoque un séisme dans la communauté. Certains la suivent, doutent, réévaluent leur engagement. La scène dramatique n'est pas simplement une rupture sentimentale, c'est un point de bascule philosophique. Elle met à nu la difficulté du passage vers l'amour libre, même chez ceux qui l'idéalisent. Ce moment est crucial dans le roman. Ce n'est pas la douleur elle-même qui importe, mais ce qu'elle révèle, la peur du vide, l'illusion de la possession et la puissance de l'être quand il ose traverser sans retour ses attachements. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour développer la transformation intérieure de Maya après cette rupture, ou tapez 2 pour explorer comment la communauté jovialiste réagit à cette crise. Pouvez-vous à présent décrire la transformation intérieure de Maya? Absolument. Voici comment pourrait se déployer la transformation intérieure de Maya à partir de cette scène de rupture. Après avoir quitté la fête, Maya marche seule dans la nuit, hébétée, révoltée, vidée. Elle a le cœur en cendres, mais quelque chose au fond d'elle refuse de sombrer dans le ressentiment. Le silence de la forêt commence à résonner plus fort que ses pensées. Ce n'est plus la voix d'André qu'elle entend. C'est une autre voix, plus intime, plus ancienne, celle qu'elle n'avait jamais osé écouter. Elle s'assied, le froid la traverse. Une phrase surgit sans qu'elle sache d'où. Ce n'est pas l'autre que tu voulais enfermer. C'est ton être que tu refusais de libérer. Alors quelque chose bascule. Le corps qui tremblait de manque devient soudain dense, enraciné. La colère se dénoue. Les larmes deviennent brûlantes, mais douces. Elle comprend qu'elle n'a pas été rejetée, elle a été révélée. Ce qu'André a déclenché en elle, ce n'est pas une blessure d'amour, c'est la mise à nu de ses propres chaînes. Elle n'a pas été trahie, elle a été mise en face de l'absolu. Dans les jours qui suivent, elle se retire. Elle peint sans chercher à comprendre. Elle écrit non pour être lue. Elle cesse de chercher un centre dans l'autre. Elle se découvre vaste, plurielle. Une joie étrange émerge, nue, impérieuse, sans raison. Un soir, elle rêve qu'elle est au centre d'un cercle de femmes. Lys est là. Elle ne parle pas. Elle l'embrasse sur le front. Le feu qu'elle refusait de regarder est maintenant en elle, non pour séduire ou pour posséder, mais pour éclairer. Maya renaît, non comme disciple ni comme amante déchue, mais comme femme souveraine. Elle retourne vers la communauté jovialiste, non pour être réintégrée, mais pour se joindre librement à cette danse dont elle est maintenant l'une des initiatrices. Et quand elle revoit André, elle ne demande plus rien. Elle lui sourit. Il la regarde longuement et dit seulement « Maintenant, tu es réelle. » Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le journal intime de Maya pendant cette transformation ou tapez 2 pour suivre la nouvelle dynamique entre elle, Lys et André après son retour. Pouvez-vous décrire la nouvelle dynamique entre Maya, Lys et André à son retour? Oui. Lors du retour de Maya, la dynamique entre elle, Lys et André bascule subtilement, mais profondément. Plus rien n'est comme avant. Et pourtant, tout semble couler avec une justesse nouvelle, comme si chacun avait trouvé son propre centre. Lys est la première à accueillir Maya. Aucun mot accusateur, aucun reproche. Juste ce regard profond, stable, qui traverse les apparences. Lys lui dit « Tu n'es pas revenu à nous, tu es revenu à toi. Et c'est pourquoi tu peux rester. » Maya, changée, ne cherche plus à séduire André, ni à tester ses limites. Elle a compris que l'amour n'est pas un échange de faveurs, ni un contrat, mais une offrande. Elle n'attend plus. Elle donne. Avec André, elle entre dans une nouvelle qualité de lien, moins fusionnelle, plus solaire. Elle le regarde avec tendresse, mais sans demande. Et lui reconnaît en elle une égale. Il ne l'encadre plus. Il l'écoute. Parfois, il lui demande conseil ou s'incline devant une de ses fulgurances. Une soirée symbolise ce nouvel équilibre. Lors d'un cercle de paroles, Maya parle ouvertement de son effondrement et de sa mue. Lys l'écoute en silence, puis dit « C'est toi maintenant qui portes le feu. » André se lève, pose sa main sur l'épaule de Maya, puis sur celle de Lys. Il dit simplement « Vous êtes les deux pôles de mon être, et vous êtes libres. Je n'attache rien, je célèbre. Ce n'est plus un triangle amoureux classique. » C'est une triade vibratoire fondée sur la reconnaissance mutuelle, l'intelligence sensible et la non-attente. Chacun a son espace, son désir, son silence. Ils ne vivent pas ensemble pour se compléter. Ils vibrent ensemble parce qu'ils n'ont plus rien à se voler. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour découvrir comment cette triade affecte la structure de la famille Bachique ou tapez 2 pour suivre la naissance d'un projet commun entre Lys, Maya et André. Comment cette triade affecte la famille Bachique? Ce qui est fascinant, c'est que cette triade entre André, Lys et Maya ne crée pas une hiérarchie, mais déclenche une métamorphose de la famille Bachique elle-même. Avant cette transformation, la famille Bachique fonctionnait comme un cercle mouvant de festivités, d'intimités multiples, d'échanges spontanés. Mais elle manquait encore, par endroits, d'un axe conscient. Il y avait de la joie, certes, mais aussi des zones d'ambiguïté. Rivalité voilée, dépendance affective, confusion entre liberté et dispersion. Avec la stabilisation vibratoire de la triade, un nouvel équilibre émerge. Le couple cesse d'être un modèle et la triade devient une structure symbolique où chaque membre incarne une dimension essentielle. André incarne la parole, le feu créateur, l'impulsion de l'être. Lys incarne la beauté, la présence sereine, l'intelligence du silence. Maya, désormais éveillée, incarne la vulnérabilité transformée, la puissance née de l'effondrement. La famille Bachique s'en inspire. D'autres triades émergent, parfois fugaces, parfois durables. La fête devient plus qu'un exutoire. Elle devient un lieu d'intégration. La nudité n'est plus exhibition, mais transparence. L'érotisme n'est plus conquête, mais offrande. La parole circule avec précision. On ne parle plus pour séduire, mais pour activer des lucioles dans l'autre. Un soir, autour d'un feu, André déclare « L'amour multiple n'est rien si l'être est divisé. Mais si l'être est un, chaque amour devient un portail vers soi-même. » Et la famille comprend que le polyérotisme n'est pas une pratique, ni même un choix. C'est une conséquence directe d'une conscience élargie. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer un rituel initiatique instauré par la triade, ou tapez 2 pour découvrir les tensions que cette nouvelle structure peut susciter chez certains membres du cercle. Pouvez-vous décrire les tensions qui surviendraient dans l'optique de l'arrivée d'une nouvelle femme dans la vie d'André qui serait bisexuelle? Oui, cette nouvelle arrivée pourrait ouvrir une brèche vibratoire intense au sein de la famille Bachique, précisément parce qu'elle vient toucher un nœud encore sensible, le rapport entre liberté vécue et illusion résiduelle. Appelons cette femme Célène. Elle est bisexuelle, magnétique, déroutante. Elle ne cherche pas à plaire, elle attire. Et c'est ce qui perturbe. Dès son arrivée, une onde traverse le cercle. Célène ne s'intéresse pas uniquement à André. Elle tourne aussi autour de Lys et de Maya, mais d'une manière si directe, si désinhibée, qu'elle court-circuite les repères déjà établis. Maya ressent une sorte de fascination inversée. Elle est attirée, mais aussi déstabilisée, car Célène ne cherche pas la profondeur, du moins pas au début. Elle joue, elle touche, provoque, embrasse, disparaît. Ce style non engagé fait résonner les anciennes blessures de Maya, celles d'avant sa transformation. Lys, de son côté, reste extérieurement sereine. Mais intérieurement, un doute surgit. La transparence suffit-elle face au charme imprévisible de cette femme qui semble manipuler les affects sans scrupule? Elle résiste à juger. Mais elle sent que quelque chose cherche à ébranler l'équilibre. Et André, lui, n'est pas dupe. Il sent l'intensité de l'être de Célène, mais aussi la tension qu'elle provoque par la nature même de sa présence. Il dit un soir, « Célène, tu n'es pas venue pour aimer. Tu es venue pour que chacun regarde ce qu'il n'a pas encore purifié. » Ce qui rend cette situation explosive, c'est que Célène refuse les codes, même ceux du jovialisme. Elle se dit libre, mais agit parfois par pulsion. Elle dit vouloir toutes les femmes du cercle, mais fuit au moindre attachement. Elle proclame l'ouverture, mais déclenche des drames. Un soir, lors d'une réunion, une tension éclate. Une jeune femme du cercle accuse Célène d'utiliser le polyérotisme comme un masque. Célène rit puis déclare « L'amour libre, c'est votre dogme à vous. Moi, je ne crois pas à vos règles douces. J'aime, je fuis, je reviens. Je suis la disruption et c'est là que se révèle la vraie tension. Jusqu'où le cercle jovialiste peut-il intégrer la dissonance? Peut-on accueillir une énergie qui ne cherche pas à s'harmoniser? Faut-il canaliser ou laisser passer? Et chacun à son rythme doit répondre « Qu'est-ce que je vis ici? Une expansion ou une fuite? Une libération ou un théâtre ?» Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer une confrontation entre Célène et Maya ou tapez 2 pour décrire comment André tente d'intégrer cette perturbation sans imposer de limites. Pouvez-vous décrire une confrontation entre Célène et Maya? Oui. Voici une scène intense et chargée entre Célène et Maya, qui marque un point de bascule entre tension érotique, lucidité blessée et affirmation de l'être. Elle se déroule dans l'atelier de Lys, désert en cette fin de nuit. Des toiles à demi-achevées pendent au mur, des verres vides traînent et l'odeur du feu de cheminée persiste dans l'air. Célène entre Féline, le regard brillant. Elle surprend Maya seule, qui range ses pinceaux. « Tu peins encore pour André ?»« Ou c'est pour te souvenir de toi ?»« Maya, je ne peins plus pour séduire, ni pour prouver quoi que ce soit. Je peins parce que je suis revenue à l'intérieur. » « Satix. Intéressant, mais tu trembles un peu quand je suis là, non ?»« Maya. Oui, tu es belle, dangereuse, libre. » Tu me rappelles ce que j'ai été avant la cassure. Mais moi, j'ai traversé le feu. Toi, tu l'agites devant les autres pour qu'ils se brûlent. Célène, tu veux dire que je suis inconsciente? Je me fous des règles, Maya, même des vôtres. Ton éveil ressemble trop à une cage dorée. Maya se provoquait. Mais tu répètes, tu séduis, tu disparais, tu mens un peu. Moi aussi, j'ai fait ça. Je sais ce que ça coûte. Tu es libre, Célène? Prouve-le. Reste, reste vraiment. Regarde quelqu'un dans les yeux, plus de 3 secondes sans fuir dans le sarcasme. Célène, un instant déstabilisée, puis reprend contenance. Je ne dois rien à personne ici. Maya pose doucement la main sur son cœur. Exact. Mais tu te dois quelque chose à toi-même. Et là, tu te trahis. Tu pourrais être une comète, mais tu agis comme une étincelle qui s'éteint vite. Célène, il les y emprème. Que je m'incline devant ta belle sagesse, doucement me fermant. Non, je veux que tu te rappelles que tu peux aimer sans détruire et que le feu qui brûle sans lumière ne réchauffe personne. Un long silence. Célène baisse les yeux. Maya s'éloigne, la laisse seule devant une toile inachevée, une femme sans visage, les bras ouverts vers le vide. Dans cette scène, il ne s'agit pas de victoire ou de défaite, mais d'un dévoilement. La confrontation devient un miroir. Et quelque chose s'ouvre, même si Célène n'est pas encore prête à l'habiter. Bon, je vais arrêter ici, mais je trouve ça intéressant de voir comment l'intelligence artificielle peut générer un scénario de roman avec des personnages puis qu'il y a une continuité. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là. J'avais l'impression, dans les dernières minutes, d'écouter un véritable radio-roman. Donc, c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute bien entendu, en bas de l'enregistrement présent, vous allez avoir le lien web là, pour accéder à l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'en explorant à travers le roman, ça me permet de voir que l'intelligence artificielle va vraiment décrire des personnages d'une manière détaillée, puis il va avoir une continuité aussi dans le scénario présenté. Et puis, ça va en continuité avec l'expérience que j'avais faite récemment, parce que j'avais demandé à l'intelligence artificielle de décrire des films, des scénarios de films. Là, aujourd'hui, c'est un scénario de roman en particulier. J'avais proposé à l'intelligence aussi de composer des poèmes, ce que je vois, c'est que sur le plan artistique, l'intelligence artificielle est capable de générer de véritables œuvres. Et à ce moment-là, ça me fait réaliser à travers ces expériences que finalement, les scénaristes d'Hollywood n'avaient peut-être pas tort de vouloir faire la grève et utiliser des moyens de pression parce qu'ils se sentent menacés par l'intelligence artificielle. En effet, je pense qu'ils ont raison de se sentir menacés compte tenu de la qualité des histoires improvisées qui peuvent être générées, parce que le scénario qui a été généré dans les dernières minutes, c'est pas un scénario qui a été écrit à l'avance. Tout ça est improvisé par l'intelligence artificielle. Donc, je trouve ça très intéressant. Je vais probablement faire dans les prochains jours d'autres expériences là, pour voir jusqu'où peut nous permettre d'aller l'intelligence artificielle, entre autres sur le plan artistique. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.